je reviendrai peut-être un jour, quand je ne reconnaîtrai plus rien, car mon enfance est partie au pays des adultes, car mon enfance est partie au pays des adultes. Il est long, si long ce grand chemin qui m'a emmené beaucoup trop loin, tout là-haut dans ces nuages où j'allais me réfugier, tout là-haut dans ces nuages où j'allais me réfugier. Souvent amant, souvent aimant, pour pouvoir me cacher, pour me fuir, dans des bras de femme ou dans un coin de bistrot, dans des bras de femme ou dans un coin de bistrot. Je me rappelle ces amours-là qui finissaient en noir et blanc, comme une photo ancienne à jamais figée, comme une photo ancienne à jamais figée. Pourquoi toujours voir partir les amis comme une trahison, comme un couteau effilé qui nous transperce de part en part, comme un couteau effilé qui nous transperce de part en part. Comme une caméra de cinéma tournant un film à l'envers, où il faudrait que je marche à reculons sans m'arrêter jusqu'au début, où il faudrait que je marche à reculons sans m'arrêter jusqu'au début. Je suis si las de tout cela que je ne veux plus sourire dans cette vie qui n'est plus faite pour moi. Je ne sais pas, je ne sais plus, dans cette vie qui n'est plus faite pour moi. Je ne sais pas, je ne sais plus. Maintenant je voudrais grandir sans amis, sans être amant, pouvoir sur de grandes tables avec des étrangers, me laisser choisir les cartes, roguet ouvrir et tout recommencer. Écartelé ou crucifié sur une croix en bois, pour avoir dit la vérité, assis en haut de cette montagne, pour avoir dit la vérité, assis en haut de cette montagne.